cours numéro 9. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Al-Hafidh ibn Rajab al-Hanbali rahmatullah alayh في شرحه على الأربعين النووية أي dans son livre جامع العلوم والحكم après avoir cité حديث عائشة رضي الله عنها que Cheikh Ibn Uthaymeen il a cité كذلك et c'est le dalil sur cette règle قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود على صاحبه هذا دليل أن النهي يقتضي الفساد. Et c'est ça la règle. C'est une règle de usul qu'on a étudiée ensemble dans le dars précédent et qu'on réétudiera ensemble bi'idhnillahi azza wa jal fi mandoumat al-Sheikh Sa'di dans le Qawa'id. L'ulama il cite كذلك cette règle fi al-Qawa'id. C'est une règle très très importante li'anna tous les nawahi fi al-Qur'an ou fi al-Sunnah ay l'interdiction de faire telle chose ou que cette chose elle soit détestable ala kulli hal. Ça rentre dans un nahi, qu'on dise que c'est haram ou makruh, que c'est interdit ou détestable. Dans le haqiqa, tu vas avoir besoin de hada. Est-ce que l'amal, il est batil ou la? Et on a lu Kalam Cheikh Ibn Uthaymeen, et c'est madhab al-hanabila, alayhim rahmatullah, et al-hafid ibn Rajab, rahmatullah alayhim, il a lakhas hadhihi al-mas'ala bi talkhisin tayyib jiddan dans son livre, جامع العلوم والحكم كما قلنا عند حديث عائشة le cinquième حديث des 40 نووي les حديث كالإمام نووي il a rassemblé رحمة الله عليه كذلك un autre مصدر celui qui veut développer أكثر هذه المسألة المهمة قواعد ابن رجب il a un livre et c'est une référence في القواعد les règles dans le fiqh قواعد ابن رجب au début du livre il a cité cette قاعدة. Et هنا ربما il a fassal أكثر. Et Cheikh Ibn Uthaymeen il a un char à la قواعد ابن رجب il a fassal كذلك. Et chaque livre de أصول ou de قواعد خاصة نعم القواعد الفقهية il cite cette règle أن النهي يقتضي الفساد. لكن كما تقدم معنا il y a un tafsil. Tu peux pas dire tous les nahi l'amal il est pas accepté. Tu peux pas dire ils sont rejetés. Là il y a un tafsil. فنقرأ هذا الكلام المفيد وبالله التوفيق قال رحمه الله والأعمال قسمان عبادات ومعاملات pour bien comprendre هذا البحث هذه المسألة المهمة tu dois bien comprendre ces catégories أن الأعمال قسمان إما c'est des عبادات comme الصلاة comme الصيام comme الزكاة إلى آخره إما معاملات tout ce qui est lié aux عقود مثلا l'acte de mariage, عقد النكاح أو عقد البيع etc. Ibn Rajab رحمه الله تعالى donc il a divisé هذا البحث en deux catégories. Il a commencé par العبادات, il a expliqué la règle avec des أمثلة ثم المعاملات. قال فأما العبادات فما كان منها خارجا عن حكم الله. Ça c'est le premier قسم. Il a cité trois qismes et chaque qisme chaque partie a un hukm donc la première partie قال فأما العبادات donc العبادات elle se divise en trois suivez المعاملات laissez de côté pour l'instant العبادات il y a plusieurs sous-catégories la première فما كان منها خارجا عن حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالكلية فهو مردود على عامله وعامله يدخل تحت قوله أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله فمن تقرب إلى الله on est bien et ça c'est important c'est pour ça qu'il l'a cité في قسم العبادات on est bien في التعبد لله أما المعصية الإنسان il fait un péché et son but c'est pas de se rapprocher d'Allah عز وجل c'est un péché parmi les péchés il peut se faire châtier si c'est دون الشرك si c'est du shirk et il meurt على هذا فإلى على خطر عظيم. Il faut bien comprendre que ce péché, l'un, c'est pour se rapprocher d'Allah, subhanahu wa ta'ala. قال, فَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَى اللَّهِ بِعَمَلٍ لَمْ يَجْعَلْهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ صلى الله عليه وسلم قُرْبَ إِلَى اللَّهِ فَعَمَلُهُ بَاطِلٌ مَرْدُودٌ عَلَيْهِ

on précisera l'exemple qu'il a cité sur Al-Uthaymin fi Satr al-Awra fihi nadar, et on précisera anna Al-Hafid ibn Rajab Al-Hanbali, c'est en plus un Hanbali al-Madhhab, il a cité un autre qawl, c'est qawl akthar al-fuqaha, et c'est al-sahih. On résume Al-Khulasa, il a cité un kalam tayyib. Qala falihada farraqa man farraqa min al-ulama بين أن يكون النهي لمعنى يختص بالعبادة فيبطلها وبين أن لا يكون مختصا بها فلا يبطلها. تأملوا. Si le nahi il revient directement à la ibada ou à cette chose, العمل il est باطل. Si c'est quelque chose de خارج عن العبادة il est pas باطل. Qui c'est qui répète l'exemple أن النهي il est sur la ibada elle-même. Un exemple, hein? Là, avec le dalil, l'exemple qu'il a cité, c'est plus clair. Ahsant an-nahy an siyam yawm al-eid. C'est une ibada, mais le Nabi sallallahu alayhi wa sallam naha anha dans cette période. La chaque celui qui fait siyam yawm al-eid, son siyam n'est pas accepté. Quelque chose de kharij an al-ibada, c'est les exemples qu'on vient de citer. Il fait as-salat, mais avec quelque chose de haram. Cheikh Al-Uthaymin, on avait lu les exemples. Al-imama min harir. Al-imama, c'est pas une obligation dans le salat. Min bab awla, c'est pas une condition. Lakin, il fait salat avec. Enfin, il a fait salat avec du haram. Ce haram, il a commis un péché en le faisant. La salat, elle est acceptée. L'imada, la salat, c'est une chose. Et porter une imama haram, c'est une autre chose. La preuve, c'est que l'imama haram, c'est interdit fi salat ou fi ghayr salat. Donc ça montre que ce n'est pas lié à la salat. Donc la salat, elle est acceptée. Hada mafhoum. Thumma, il a cité les exemples. As-salat bi ghayri tahara, ou uryan, ou l'exemple qu'on a cité, as-siyam yawm al-eid. Hada, tout ça, ce n'est pas accepté. Qala bi khilaf as-salat fil ghasb, wa yashhadu li hada. Pourquoi? Parce que An-Nahi, il n'est pas lié directement à l'ibadah. Là, c'est interdit de porter de l'or pour les hommes. Est-ce qu'on va dire celui qui porte une bague en or, sa salat, elle n'est pas acceptée? Sa salat, elle est acceptée. Lakin, fi hadha al-hal, il a commis un haram. Porter de l'or, c'est haram pour les hommes, et sa salat, elle est acceptée. Qala bi khilaf as-salat fil ghasb, wa yashhadu li hadha anna as-siyam la yabtuluhu illa irtikab ma nuhiya anhu fihi bi khususih. وهو جنس الأكل والشرب والجماع. تأملوا cet exemple. الصيام, ce qui l'annule, c'est quoi? C'est le fait de manger, de boire ou d'avoir des rapports. Ça annule الصيام. Et عيدًا بالله الردة, bien sûr. واحد كيف الصيام في نهار صيامه sort de l'islam. Son صيام il est plus accepté, son islam il est annulé. هذا c'est واضح. Enfin, les trois qui restent, c'est manger, boire, avoir des rapports. Ça annule الصيام. قال بخلاف ما نهي عنه الصائم لا بخصوص الصيام كالكذب والغيبة عند الجمهور. Ça montre que بعضهم ils ont un autre قول, لكن القول الصحيح c'est هذا. واحد في الصيام du matin jusqu'au soir, et durant la journée médisance, mensonge, peut-être qu'il va voler, عيادن بالله. Son صيام, est-ce qu'il est accepté? On dit الصيام c'est pas lié à ces choses. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est juste. Enfin, il aura des comptes à rendre par rapport à la médisance, le fait de voler, le fait de mentir, il a commis des péchés. Et son siyam, il est sahih. Lakin, quand on dit sahih, ça ne veut pas dire qu'il aura la récompense comme un autre. Al-Hada, au début du dors, on avait précisé, masalat al-ajr. Rubama, il est naqis al-ajr. Lakin, le fait qu'il soit valide, et il n'est pas considéré avoir délaissé le siyam, même s'il ment, même s'il critique les autres, lakin, il aura des comptes à rendre par rapport au haram qu'il a fait. Donc cet exemple sur le siyam, il est jamil. Et il est واضح. أن العبادة, c'est une chose, et les choses extérieures, même si elles sont faites durant cette ibada, mentir pendant le siyam, ou porter de l'or pour les hommes à salat, ou faire l'eau d'eau avec de l'eau volée, et tous les exemples qu'on a cités, ça annule pas l'ibada. Même si ça diminue la récompense, et l'insan, il est athem, il a commis un péché, il a commis du haram, l'ibada, le fait qu'elle soit acceptée, c'est autre chose. Un autre exemple, et cette question, souvent, elle est posée à Ahlul Ilm, as-salatu bil bintal, faire la salat avec un pantalon. An-nahi, ou an-nahyu,

Et thalithan, c'est involontaire. Il n'a pas fait exprès, et pendant salat, il ne savait pas. Il aurait su, Obama, il aurait relevé son pantalon, ou il aurait baissé son t-shirt. Donc, trois choses. Thumma, il va répondre. Qala, wa ma warada fi su'al, min anna hadha al-musallin kashafa ba'adhu awratihi, falam ya'lam bidhalik hatta faragha min as-salat, wa nabbahahu al-hadirun, hadha bihi tafsil. Et ta'amal, wa nashir al-bouzan, il a répété la question. Il a bien répété. Hadha, c'est mufid pour toi. On entend une question, on répond, et on n'a pas bien assimilé la question. Et on répond à une chose qui est à côté. C'est pas la question. Mais si tu répètes la question, et les ulama, ils le font souvent, ils recitent la question, il peut dire là, c'est pas ça la question. Et il fait une précision. Hada, c'est mouvid. Qala, hada fihi tafsil. Il y a plusieurs choses à savoir. In kana hada alladhin kashafa shay'an kathiran, فإن كان هذا الذي انكشف شيئا كثيرا فإنه يعيد الصلاة. أما si, عياذا بالله, une grande partie de sa aura, de ses parties intimes, elles ont été découvertes, فهذا يرفع الصلاة. On revient au إجماع d'Ibn Abd al-Barr. Donc il y a une différence entre un peu de sa aura qui apparaît et une grande partie ou toute sa aura. Donc premier cas, si c'est toute sa aura qui est apparue ou une grande partie, fa fi hadha al-hal yurfis salat. Qala im amma idha kana shay'an qalilan wa huwa lam yata'ammadhu fa salatuhu sahiha insha Allah. Bidalil anna Amr ibn Salama radiyallahu anhu kana yusalli bi ashabihi wa huwa saghir as-sin wa kana idha sajada kashafa ash-shay' min 'awratihi fa yarahu an-nisa min wara' as-saff wa lam yu'id as-salat wa kana hadha fi 'ahd an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. هكذا العلم الى سته سنقول ثم اندلي cette histoire qui est arrivée à Amr ibn Salama radiyallahu anhu, c'était l'imam de son qom, il était très très jeune, et une partie de sa aura, quand il faisait sujoud, elle se découvrait involontairement. لماذا لانهم ils avaient pas les moyens d'acheter beaucoup de vêtements, enfin le peu de vêtements qu'il a, quand il faisait sujoud, ça découvrait une partie. Cheikh al-Fawzan hafidahullah, il a pris hada comme dalil anna hada al-muslim kadhalik, c'est une partie qui s'est découverte, c'était involontaire, il savait pas. Enfin, ça ressemble au cas de Amr ibn Salama radiyallahu anhu, fa qalu bi sihhat salatihi. Qala fa dalla ala annahu idan kashafa shay' min al-awra wa huwa yassir wa lam yata'ammadhu fa inna salatahu sahiha. Donc si c'est une petite partie, comme ça arrive le cas de beaucoup de muslimines dans des masajid qui font salat en pantalon. Tu vois une partie de sa aura et le bas du dos. Et vraiment une petite partie. Et il ne savait pas. On le conseille. Et Inch'Allah, on ne lui dit pas de refaire sa salat. Salat elle est sahiha. Kadhalik, c'est involontaire. Amma wahed, on l'a conseillé une fois. Thumma, le jour d'après, encore dans le masjid, encore. Et il est conseillé, il n'accepte pas. Ou yata'ammad. فهذا يخشى على على على على بطلان او يخشى عليه ان ان صلاته تبطل عيدا بالله ان صلاته لا سوف اكسبتي. قال اما اذا تعمد تركه ولم يسترهم على القدره فصلاته باطله. اما si c'est volontaire et il est conseillé, il fait aucun effort pour changer de vêtements ou au minimum de se couvrir avec les vêtements qu'il a, هذا ربما كما قال شيخ الفوزان صلاته باطله. Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah alayhi, kadhalik, il a une fatwa, et il a cité un tambih muhim, la durée. Kadhalik, la durée, elle est prise en compte. Et hada tastavidouhu, dans un cas, même si c'est toute la aura qui apparaît. Mathalan, wahad, il est fils salat. Et il a qu'un qamis. Il a rien en dessous. On qadr qu'il a pas de moyens, il a que ce qamis. Et le qamis, il est assez court. Et on a fait un tambih muhim, anna ba'd al-ikhwan, ils ont des qamis, et ils le raccourcissent vraiment court. Et c'est pas mis la sunna. La sunna, c'est au-dessus des chevilles. Et à l'ahsan, c'est nisf saq. Nisf saq, c'est entre ton genou et ta cheville. Nisf saq, c'est houla. C'est la moitié du saq. Le saq, c'est la partie où il y a le tibia et le mollet. C'est ça, saq. Amma ba'd al-ikhwa, li mahabbatihim li sunna, tellement qu'ils aiment la sunna, rubama yuqassiruna al-thawb ila al-rukba. Quand ils sont debout, le qamis, il arrive au niveau du genou. Thumma, quand ils font le ruku', automatiquement, le qamis, il monte. Enfin, tu trouves, le qamis, il est au-dessus. Il est au-dessus. Ba'dhum, il arrive à la moitié de la cuisse. Bah, ça, c'est pas mis la sunna. Ah, ça, c'est un tambih. La ifrat ou la tafrit. On laisse pas le qamis descendre en dessous des chevilles.

Et là, c'est un dalil tayyib, naqra. قال وقد ذهب طائفة من العلماء إلى أن من تصرف لغيره في ماله بغير إذنه لم يكن تصرفه باطلا من أصله. C'est le dernier exemple, le fait d'acheter une chose à ton frère matalan avec son argent et t'as pas donné l'autorisation. أنت tu prends cette décision. ففي هذا الحال قال بل يقف على إجازته فإن أجازه جاز وإن رده بطل. Donc ça revient à ce frère s'il accepte. La vente elle est valide, s'il n'accepte pas, la vente elle n'est pas valide. قال واستدلوا به أو واستدلوا بحديث عروة ابن الجعد في شرائه للنبي صلى الله عليه وسلم شاتين وإنما كان أمره بشراء شاة واحدة ثم باع إحداهما وقبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. نعم قال الحديث أخرجه أبو داود et d'autres. نعم فاستدلوا بهذا أنه il a acheté deux au lieu d'une alors qu'il n'avait pas l'autorisation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, thumma, an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, qabila dhalik, et l'autre, il a revendu une. Donc ça montre que le premier acte de vente, an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, il ne l'a pas annulé. Hada, wallahu ta'ala a'lam. Fahada, bahthun, muhim, et on peut le simplifier, anna al-a'mal, ça se divise en deux, ibadat wa mu'amalat. Al-ibadat, plusieurs cas. Si c'est quelque chose, kharij al-hukmillah, là, je sais que ce n'est pas accepté. Wahad, il va adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec du haram. Mathalan, en dansant, en chantant. Son amal, il n'est pas accepté. Et ce qu'il fait, c'est un péché. Thanyan, si il se rapproche, bi'ibada, nuhiya anha bi'khususiha. C'est une adoration. Elle est vraiment citée dans le Coran ou le Sunna. Mathalan, le jeûne. Lakin, cette adoration, à un moment, tu n'as pas le droit de la faire. Jeûner le jour du Eid. C'est interdit. Troisième cas, amal, asluhu, mashru'a. Lakin, il mélange ce amal avec quelque chose de haram. Imma, une diminution, imma, un ajout, imma, il déforme, imma, hada, ça dépend. Hada, il y a un tafsil, on a vu. Ça peut être accepté, et ça peut être ne pas accepté. Si ça touche à une condition, mathalan, il fait salat sans les ablutions, c'est pas accepté. Si ça ne touche pas aux obligations, et c'est quelque chose qui n'est pas directement lié à l'ibadah, dans ce cas, la ibadah l'a accepté. Mathalan, il fait salat avec un vêtement haram. On dit, as-salat elle a accepté et le fait de porter le vêtement, c'est haram. Al-uqud, les contrats, si ça ressemble, si c'est un aqd, et fihi taghyir li hukmillahi azza wa jal, ça c'est pas accepté. Mathalan, les sentences, la lapidation elle est remplacée par de l'argent, c'est pas accepté. Si c'est un aqd, et al-haq fihi li lillah, mathalan, un acte de mariage, fa labud min wali. ففي هذا الحال s'il n'y a pas de wali, العقد il est باطل. Et si le haq il est l'adami, la permission de la femme ou pour la vente, la permission et l'acceptation, il est d'accord, ça revient à l'adami. Si ce contrat il a été fait sans lui et même s'il n'était pas présent, il est mis au courant plus tard et il accepte, العقد il est validé. S'il n'accepte pas, العقد il n'est pas valide. هذا والله تعالى أعلم. المرجع on répète جامع بين العلم جامع plutôt العلوم والحكم de الحافظ ابن رجب et قواعد ابن رجب avec شرح شيخ ابن عثيمين كذلك il est مفيد et c'est le même كلام نكتفي بهذا et le prochain cours on reprendra la lecture de ما يدخل في الخطاب بالأمر والنهي والله أعلم. Essayez de faire le schéma. ربما واحد il l'a fait pendant que je parlais. Et inshallah, le prochain tars, on essaiera de continuer. Et celui qui n'a pas compris, l'amr sahl, celui qui n'a pas tout saisi. Il y en a, on le reverra dans Al-Qawaid al-Fiqhiyya. Et كذلك, tu le trouves dans les shuruhat al-Arba'in Nawawiyya, عند الحديث, ou dans les Sahihayn. Quand il explique le hadith, certains ulama, ils détaillent la règle. Et là, dans les kutub al-Usul wal-Qawaid, chaque kitab que tu feras, inshallah, tu referas hada. Lakin, on l'a fait huna. En détaillant la parole d'Ibn Rajab, hatta tu as une base tayyiba. C'est ça le muhim dans usul, d'avoir des bases solides. Pour moi, tout le reste que tu liras, bi'idhnillah azza wa jal, tu comprendras. Walhamdulillahi rabbil alamin.